Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Feuilleton en 10 épisodes. Adaptation et réalisation, Cédric Ossir. 8e épisode. Rastignac rassure le père Goriot sur ses intentions à l'égard de Delphine et lui demande de prévenir le père Taillefer d'un complot contre son fils. Vautrin, que le chef de la police de sûreté soupçonne d'être Jacques Collin, un forçat évadé du bagne, alias Trompe-la-Mort, déjoue leur plan et verse un narcotique dans leur vin. Il ignore que Mademoiselle Michonneau, mandatée par la police, s'apprête à le démasquer. Le lendemain devait prendre place parmi les jours les plus extraordinaires de l'histoire de la maison Vauquer. Tout allait pâlir devant les péripéties de cette grande journée, de laquelle il serait éternellement question dans les conversations de Madame Vauquer. D'abord, Goriot et Eugène de Rastignac dormirent jusqu'à 11 heures. Madame Vauquer, rentrée à minuit de la gaieté, resta jusqu'à 10h30 au lit. Vautrin sortit avant 8 heures et revint au moment même où le déjeuner fut servi. Pendant que Sylvie et Christophe s'absentèrent, Mademoiselle Michonneau, descendant la première, versa la dose de liqueur préparée pour donner un coup de sang simulant une apoplexie dans le gobelet d'argent appartenant à Vautrin et dans lequel la crème pour son café chauffait au bain-marie parmi tous les autres. Ce ne fut pas sans quelques difficultés que les 7 pensionnaires se trouvèrent réunis. Quelle heure est-il ? 11h30. Le forçat évadé jeta sur Eugène le regard froidement fascinateur que certains hommes éminemment magnétiques ont le don de lancer. Eugène trembla de tous ses membres. Le bruit d'un fiacre se fit entendre dans la rue et un domestique à la livrée de Monsieur Taillefer entra précipitamment d'un air effaré. Mademoiselle, monsieur votre père vous demande. Un grand malheur est arrivé. Monsieur Frédéric s'est battu en duel. Il a reçu un coup d'épée dans le front. Les médecins désespèrent de le sauver. Décidément, la jeunesse ne sait pas se conduire. Monsieur. Eh bien, quoi, grand enfant ? Mademoiselle Michonneau le suivait de l'œil avec trop d'attention pour s'émouvoir de l'événement extraordinaire qui stupéfiait tout le monde. N'y a-t-il pas des duels tous les matins à Paris ? Je vais avec vous, Victorine. Avant de s'en aller, Victorine, les yeux en pleurs, jeta sur Eugène un regard qui lui disait « Je ne croyais pas que notre bonheur dût me causer des larmes. Bah, »« Vous êtes donc prophète, monsieur Vautrin ?»« Je suis tout. » Quel quine pour Victorine. Son père est forcé de l'adopter. »« Voilà. Hier, elle était sans un sou. Ce matin, elle est riche de plusieurs millions. »« Dites donc, monsieur Eugène, vous avez mis la main au bon endroit. »« Madame, je n'épouserai jamais mademoiselle Victorine. » Vautrin se mit à sourire. En ce moment, la potion absorbée par son estomac commençait à opérer. Jeune homme, le bien nous vient en dormant. Et il tomba roi de mort. Il y a donc une justice divine. Eh bien, qu'est-ce qui lui prend donc à ce pauvre cher monsieur Vautrin ? Une apoplexie. Une apoplexie. Oh, monsieur Rastignac, courez donc vite chercher monsieur Bianchon. Rastignac, heureux d'avoir un prétexte de quitter cette épouvantable caverne, s'enfuit en courant. Christophe, allons, on trotte chez l'apothicaire demander quelque chose contre l'apoplexie. Père Goriot, aidez-nous donc à le transporter là-haut chez lui. Oui. Vautrin fut saisi, manœuvré à travers l'escalier et mis sur son lit. Je ne suis plus bon à rien. Je vais voir ma fille. Vieil égoïste. Allez donc voir si vous trouvez de l'éther. Oui. Madame Vauquer descendit chez elle et laissa Mademoiselle Michonneau maîtresse du champ de bataille. Allons, Poiré. Ôtez-lui dans sa chemise et retournez-le vite. Vautrin retourné, Mademoiselle Michonneau appliqua sur l'épaule du malade une forte claque et les deux fatales lettres T.F. reparurent en blanc au milieu de la marque rouge. Vous avez bien lestement gagné votre gratification de 3000 francs. Taisez-vous, j'entends l'avocat. Voilà l'éther. Par exemple, c'est aujourd'hui la journée aux aventures. Il a l'air de dormir. Dites donc, mademoiselle Michonneau, il renifle à l'éther. Rastignac allait à travers les allées du Luxembourg à la rencontre de Bianchon comme s'il eût été traqué par une meute de chiens et il lui semblait en entendre les aboiements. Va donc chez la mère Vauquer. Ce scélérat de Vautrin vient de tomber comme mort. Tu me confirmes des soupçons que je veux aller vérifier. La longue promenade de l'étudiant en droit fut solennelle. Il fit en quelque sorte le tour de sa conscience. S'il flotta, s'il examina, s'il hésita, du moins sa probité sortit de cette âpre et terrible discussion éprouvée comme une barre de fer qui résiste à tous les essais. Il se souvint des confidences que le père Goriot lui avait faites la veille. Il se rappela l'appartement choisi pour lui près de Delphine, rue d'Artois. Ce pauvre vieillard a bien souffert par le cœur. Il ne dit rien de ses chagrins, mais qui ne les devinerait pas? Eh bien, j'aurai soin de lui comme d'un père. Je lui donnerai 1000 jouissances. Si Delphine m'aime, elle viendra souvent chez moi passer la journée près de lui. Le combat de Rastignac dura longtemps. Quoique la victoire dût rester aux vertus de la jeunesse, il fut néanmoins ramené par une invincible curiosité à la nuit tombante vers la maison Vauquer, qu'il se jurait à lui-même de quitter pour toujours. Il voulait savoir si Vautrin était mort. Vautrin fut trop promptement rétabli pour que Bianchon ne soupçonnât pas quelque complot contre le joyeux bout en train de la pension. À l'heure où rentra Rastignac, Vautrin se trouvait donc debout près du poêle dans la salle à manger. Les yeux d'Eugène rencontrèrent ceux de l'imperturbable forçat dont le regard pénétra si avant dans son cœur et y remua si fortement quelques cordes mauvaises qu'il en frissonna. « Eh ben, cher enfant, la Camuse aura longtemps tort avec moi. Seriez-vous donc fâché de me voir en vie ?»« Ah, ma foi ! Mademoiselle Michonneau parlait avant-hier d'un monsieur surnommé Trompe-la-Mort. Ce nom-là vous irait bien. » Ce mot produisit sur Vautrin l'effet de la foudre. Il pâlit et chancela. Son regard magnétique tomba comme un rayon de soleil sur Mademoiselle Michonneau, à laquelle ce jet de volonté cassa les jarrets. Sans rien comprendre encore à ce drame, tous les pensionnaires restèrent ébahis. En ce moment, l'on entendit le pas de plusieurs hommes et le bruit de quelques fusils que des soldats firent sonner sur le pavé de la rue. Au moment où Vautrin cherchait machinalement une issue en regardant les fenêtres et les murs, quatre hommes se montrèrent à la porte du salon. Bientôt le silence régna dans la salle à manger. Les pensionnaires se séparèrent pour livrer passage à trois de ces hommes qui tous avaient la main dans leur poche de côté et y tenaient un pistolet armé. Tout espoir de fuite fut donc interdit à Trompe-la-Mort. Le chef alla droit à lui, commença par lui donner sur la tête une tape si violemment appliquée qu'il fit sauter la perruque et rendit à la tête de Jacques Collin toute son horreur. Chacun comprit tout Vautrin, son passé, son présent, son avenir, ses doctrines implacables, la religion de son bon plaisir, la royauté que lui donnait le cynisme de ses pensées, de ses actes, et la force d'une organisation faite à tout. Le sang lui monta au visage. Collin comprit le danger en voyant briller le chien de chaque arme et donna tout à coup la preuve de la plus haute puissance humaine. Horrible et majestueux spectacle. Sa physionomie présenta un phénomène qui ne peut être comparé qu'à celui de la chaudière, pleine de cette vapeur fumeuse qui soulèverait des montagnes et que dissout en un clin d'œil une goutte d'eau froide. La goutte d'eau, qui froidit sa rage, fut une réflexion rapide comme un éclair. « Messieurs les gendarmes, mettez-moi les menottes. Je prends à témoin les personnes présentes que je ne résiste pas. » « Je reconnais être Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort, condamné à 20 ans de fer. Et je viens de prouver que je n'ai pas volé mon surnom. Si j'avais seulement levé la main, ces trois mouchards-là répandaient tout mon résiné sur le trimard domestique de maman Vauquer. »« Oh mon Dieu, mais c'était en faire une maladie, moi qui étais hier à la gaieté avec lui. »« De la philosophie, maman. Nous avons moins d'infamie sur l'épaule que vous n'en avez dans le cœur. Membre flasque d'une société gangrénée, le meilleur d'entre vous ne me résisterait pas. Ses yeux s'arrêtèrent sur Rastignac, auquel il adressa un sourire gracieux qui contrastait singulièrement avec la rude expression de sa figure. Notre marché va toujours, mon ange. En cas d'acceptation, toutefois. En un moment, Colin devint un poème infernal où se peignirent tous les sentiments humains, moins un seul, celui du repentir. Son regard était celui de l'archange déchu qui veut toujours la guerre. Rastignac baissa les yeux en acceptant ce cousinage criminel comme une expiation de ses mauvaises pensées. « Qui m'a trahi ?» Colin promena son terrible regard sur l'assemblée et l'arrêta sur Mademoiselle Michonneau. « C'est toi, vieille cagnotte. Curieuse. Que lui avez-vous donné à cette Michonnette ? Quelques milliers d'écus ? Je valais mieux que ça, Vénus du Père Lachaise. Si tu m'avais prévenu, t'aurais eu 6000 francs. Un forçat de la trempe de Colin, ici présent, est un homme moins lâche que les autres et qui proteste contre les profondes déceptions du contrat social, comme dit Jean-Jacques, dont je me glorifie d'être l'élève. En ce moment, les agents qui avaient tout ouvert et tout inventorié chez lui rentrèrent et parlèrent à voix basse au chef de l'expédition. Le procès-verbal était fini. Messieurs, ils vont m'emmener. Vous avez été tous très aimables pour moi pendant mon séjour ici. J'en aurai de la reconnaissance. Recevez mes adieux. Il fit quelques pas et se retourna pour regarder Rastignac. Adieu, Eugène. Si tu étais gêné, je t'ai laissé un ami dévoué. En cas de malheur, adresse-toi là. Homme et argent, tu peux disposer de tout. Quand la maison fut évacuée par les agents de la police, Sylvie, qui frottait de vinaigre les tempes de sa maîtresse, regarda les pensionnaires étonnés. Eh bien, c'était un bonhomme tout de même. Cette phrase rompit le charme que produisait sur chacun l'affluence et la diversité des sentiments excités par cette scène. En ce moment, les pensionnaires, après s'être examinés entre eux, virent tous à la fois Mademoiselle Michonneau, grêle, sèche et froide autant qu'une momie, tapie près du poêle. Cette figure, qui leur était antipathique depuis si longtemps, fut tout à coup expliquée. « Je décampe si cette fille doit continuer à dîner avec nous. »« Mais mon terme est payé. Je suis ici pour mon argent, comme tout le monde. »« Qu'à cela ne tienne, nous nous cotiserons pour vous le rendre. »« Monsieur Rastignac soutient Colin. Il n'est pas difficile de savoir pourquoi. » À ce mot, Eugène bondit comme pour se ruer sur la vieille fille et l'étrangler. Ce regard, dont il comprit les perfidies, venait de jeter une horrible lumière dans son âme. Madame Beaucaire, si vous ne mettez pas à la porte à Michonneau, nous quittons tous votre baraque et nous dirons partout qu'il ne s'y trouve que des espions et des forçats. Dans le cas contraire, nous nous tairons tous sur cet événement. À ce discours, Madame Vauquer retrouva miraculeusement la santé et calcula d'un seul coup d'œil le parti le plus avantageux et roula jusqu'à Mademoiselle Michonneau. Oh, mademoiselle, vous ne pouvez pas rester. Ils vont en venir à des actes de violence. Mademoiselle Michonneau se leva. L'hostilité des propos qui commençaient à se tenir sur elle la contraignit à partir. Je vais chez Madame Buneau. Mademoiselle Michonneau, ayant fait le geste de prendre le bras de Poiret en le regardant, il ne put résister à cet appel et vint donner son appui à la vieille. En ce moment, un commissionnaire entra, remit une lettre à Madame Vauquer, qui se laissa couler sur sa chaise après l'avoir lue. Mais il n'y a plus qu'à brûler ma maison. Le fils Taillefer est mort, Madame Couture et Victorine me redemandent leurs effets et vont demeurer chez son père. 4 appartements vacants. Le malheur est entré chez moi. Le roulement d'une voiture qui s'arrêtait retentit tout à coup dans la rue. Encore quelques chapchutes. Goriot montra soudain une physionomie brillante et colorée de bonheur qui pouvait faire croire à sa régénération. Goriot en fiacre ? La fin du monde arrive ! Venez, Eugène ! Mais vous ne savez donc pas ce qui se passe ? Votre train était un forçat que l'on vient d'arrêter et le fils Taillefer est mort. Eh bien, qu'est-ce que ça nous fait? Elle vous attend, venez. Il tira si violemment Rastignac par le bras qu'il le fit marcher de force et parut l'enlever comme si c'eût été sa maîtresse. Cette journée devait être jusqu'au soir une fantasmagorie pour Eugène, qui, malgré la force de son caractère et la bonté de sa tête, ne savait comment classer ses idées quand il se trouva dans le fiacre à côté du père Goriot, dont les discours trahissaient une joie inaccoutumée et retentissaient à son oreille, après tant d'émotions, comme les paroles que nous entendons en rêve. Nous dînons tous les trois ensemble. Ensemble ! Voilà 4 ans que je n'ai dîné avec ma Delphine, ma petite Delphine. Je vais l'avoir à moi pendant toute une soirée. Aujourd'hui, le monde est donc renversé. Renversé? Mais à aucune époque, le monde n'a si bien été. Je crois revenir à la vie. Mais où me conduisez-vous donc? Chez vous. La voiture s'arrêta rue d'Artois. Le bonhomme descendit le premier et, dans le paroxysme de son plaisir, jeta 10 francs au cocher. Gardez. Allons. Merci. Montons. Eugène se vit dans un délicieux appartement de garçon. Dans le petit salon, dont l'ameublement et le décor pouvaient soutenir la comparaison avec ce qu'il y avait de plus joli, il aperçut à la lumière des bougies Delphine qui se leva d'une causeuse au coin du feu et mit son écran sur la cheminée. A-t-on bien deviné vos voeux ? L'étudiant prit Delphine dans ses bras, la serra vivement et pleura de joie. Ce dernier contraste entre ce qu'il voyait et ce qu'il venait de voir, dans un jour où tant d'irritation avait fatigué son cœur et sa tête, détermina chez Rastignac un accès de sensibilité nerveuse. Oui, trop bien. Hélas, ce luxe si complet, ces beaux rêves réalisés, toutes les poésies d'une vie jeune, élégante, je les sens trop pour ne pas les mériter, mais... je ne puis les accepter de vous. Et je suis trop pauvre encore. Vous me résistez déjà. Eugène s'était trop solennellement interrogé pendant cette journée et l'arrestation de Vautrin, en lui montrant la profondeur de l'abîme dans lequel il avait failli rouler, venait de trop bien corroborer ses sentiments nobles et sa délicatesse pour qu'il cédât à cette caressante réfutation de ses idées généreuses. Une profonde tristesse s'empara de lui. Enfant, vous êtes à l'entrée de la vie. Vous trouvez une barrière insurmontable pour beaucoup de gens, une main de femme vous l'ouvre et vous reculez. Mais vous réussirez. Le succès est écrit sur votre beau front. Je vais vous décider, moi. Mon cher monsieur Eugène, j'ai payé toutes les factures. Les voici. Ça ne fait pas une grosse somme, tout au plus 5000 francs. Je vous les prête, moi. Vous m'en ferez une reconnaissance sur un chiffon de papier. Vous me les rendrez plus tard. Eugène était pétrifié par l'inépuisable dévouement de ce Christ de la paternité et le contemplait en exprimant cette naïve admiration qui, au jeune âge, est de la foi. Je serai digne de tout cela. La soirée tout entière fut employée en enfantillage et le père Goriot ne se montra pas le moins fou des trois. Il faisait des folies comme en aurait fait l'amant le plus jeune et le plus tendre. Et quand l'appartement sera-t-il fini? Il faudra donc nous quitter ce soir? Oui, mais demain vous viendrez dîner avec moi. Demain est un jour d'italien. J'irai au parterre, moi. Il était minuit. Le père Goriot et l'étudiant retournèrent à la maison Vauquer en s'entretenant de Delphine avec un croissant enthousiasme qui produisit un curieux combat d'expression entre ces deux violentes passions. Ils trouvèrent Madame Vauquer seule au coin de son poêle. La vieille hôtesse attendait les deux seuls pensionnaires qui lui restassent en se désolant avec Sylvie. Qu'ai-je fait au ciel pour m'être attiré tous ces désastres? La police chez moi. Nos provisions de haricots et de pommes de terre sont faites pour 20 personnes. Mais d'où me tombera-t-il des pensionnaires? Et ce pauvre monsieur Vautrin dont ils ont fait un forçat. Eh bien, Sylvie, c'est plus fort que moi, je ne le crois pas encore. Et pensez que mademoiselle Michonneau, qui vous a fait tout ce tort, va recevoir, à ce qu'on dit, 1000 écus de rente. Oh, m'en parle pas, ce n'est qu'une scélérate. Et elle va chez la Buneau par-dessus le marché. Elle devrait aller au bagne à la place de ce pauvre cher homme. En ce moment, Eugène et le père Goriot sonnèrent. Voilà mes deux fidèles. Les deux fidèles, qui n'avaient qu'un fort léger souvenir des désastres de la pension bourgeoise, annoncèrent sans cérémonie à leur hôtesse qu'ils allaient demeurer à la Chaussée d'Antin. Vous m'avez donné le coup de la mort, messieurs. Voilà une journée qui me met 10 ans de plus sur la tête. Je tiendrai folle, ma parole d'honneur. Que faire, les haricots ? Adieu, messieurs. Bonne nuit. Mais qu'a-t-elle donc ? Voilà la première fois qu'elle se vide les yeux depuis que je suis à son service. Le lendemain, Eugène reçut une lettre élégamment enveloppée, cachetée aux armes de Beauséant. Elle contenait une invitation adressée à madame de Nucingen pour le grand bal annoncé depuis un mois et qui devait avoir lieu chez la vicomtesse. À cette invitation était joint un petit mot pour Eugène. J'ai pensé, monsieur, que vous vous chargeriez avec plaisir d'être l'interprète de mes sentiments auprès de madame de Nucingen. Je vous envoie l'invitation que vous m'avez demandée et serai charmée de faire la connaissance de la sœur de madame de Restaud. Amenez-moi donc cette jolie personne. Et faites en sorte qu'elle ne prenne pas toute votre affection. Vous m'en devez beaucoup, en retour de celle que je vous porte. Vicomtesse de Beauséant. Rastignac alla promptement chez Delphine, heureux d'avoir à lui procurer une joie dont il recevrait sans doute le prix. Ses derniers scrupules avaient disparu la veille, quand il s'était vu dans son appartement. Aussi, en attendant Delphine, mollement assis dans ce joli boudoir qui devenait un peu le sien, se voyait-il si loin du Rastignac venu l'année dernière à Paris, quand le lorgnant, par un effet d'optique morale, il se demandait s'il se ressemblait en ce moment à lui-même. Devinez ce que je vous apporte. Et c'est vous à qui je dois ce bonheur. Ma sœur doit s'y trouver. Je sais qu'elle prépare une toilette délicieuse. Eugène, elle y va pour dissiper d'affreux soupçons. Selon certaines personnes, monsieur de Trailles aurait souscrit des lettres de change montant à 100 000 francs, pour lesquelles il allait être poursuivi. Dans cette extrémité, ma sœur aurait vendu ses diamants, qui viennent de madame de Restaud, la mère. Je conçois alors qu'Anastasie se fasse faire une robe lamée et veuille attirer sur elle tous les regards chez madame de Beauséant, en y paraissant dans tout son éclat et avec ses diamants. Mais je ne veux pas être au-dessous d'elle. Elle n'a jamais été bonne pour moi, qui lui rendait tant de services. Mais laissons le monde. Aujourd'hui, je veux être toute heureuse. Eugène revint à la maison Vauquer avec la certitude de la quitter le lendemain. Il s'abandonna donc pendant la route à ces jolis rêves que font tous les jeunes gens quand ils ont encore sur les lèvres le goût du bonheur. Eh bien, je vous dirai tout demain, monsieur Goriot. Tout, n'est-ce pas? Nous allons commencer demain. Notre vie heureuse. Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossir. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. 8e épisode. Avec Michel Vuillermoz, Lionel Lingelser, Clément Bresson, Christine Murillo, Jean-Claude Frissung, Marie-Sophie Ferdan, Laurence Roy, Jean-Luc Porraz, Anouche Paré, Marina Cap, Marie Crémer, Léo Dussolier, Françoise Gazio, Henri Alexandre, Christophe Desposti, Stéphane Sestac, Ismaël Ruggiero et Thomas Harel. Bruitage, Elodie Fiat. Musique originale, Manuel Peskin. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Victoria Asper. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.